4. Soleil dans mes yeux et mes yeux dans le vague. Je regarde le ciel, comment ne pas pleurer. Je suis dans la cuisine et je m'ennuie. Je repense à ces jours, ce temps perdu. J'aimerais pouvoir parler. Regarde la pluie, elle tombe depuis des heures, sans vouloir s'arrêter, comment ne pas tomber. Je suis dans la cuisine et je m'ennuie. C'est un jour de printemps si différent. J'aimerais pouvoir parler. Sans y penser.